Bon, bah moi je pense qu'on va laisser Seb et donc Serge de la Verge. Il y a toujours un connard qui s'appelle Manu qui pousse sa merde, mais n'ayez crainte. Donc on se fait, on va. Donc demain Max passera peut-être faire un petit coucou à la loco. Sinon, dimanche, il oublie un truc, ouais. Dimanche soir, éclectique et Balade Nocturne. Et moi je vous laisse avec Serge de la Vierge avec Viens me faire du tandem avec moi. Je retire la selle et pour c'est Sita et Ringo. Sita. S-C-H-I-T-A. Chita et Ringo avec... Non, pas Ringo. Ringo. Oh. Avec Ringo, pardon. Non, Ringo. Putain, t'es mauvais. Avec Ringo. Je marquais, espèce de con. Mais ça se dit Ringo. Avec, laisse les cons qui dorment à Venise et on se retrouve dès dimanche pour... Éclectique et puis la nuit qui continue avec Seb pour la nuit sans pub. À dimanche. Putain, je me suis posé une question à savoir si la nuit allait s'arrêter, putain. On est chaud.